C'est la musique Guillerette qui annonce le début du cirque aquatique magique. En votre compagnie, la voix chaude et pas du tout nasillarde de François Gécouillard. Aujourd'hui, spécial Wartin. Wartin est notre ami maintenant. C'est un artiste prometteur qui devrait lancer un album très bientôt. Et il a fait la sélection musicale de l'émission d'aujourd'hui. Et oui, le Cirque Aquatique Magique a décidé de donner l'espace, donner le temps à des artistes bien de chez nous. Toutes les émissions du Cirque Aquatique Magique sont disponibles de sur Internet, jeunefou.blogspot.com. Spécial Wartin aujourd'hui, on commence avec As de trèfle et Oulala. Même les oiseaux, oulala, sont silencieux. Dans les mares, oulala, les grenouilles, oulala, en ont marre. Que dans la mer, oulala, les poissons, oulala, soient amers. Il y a de l'orage dans le oulala, oulala, oulala, oulala. Il y a de l'orage dans le oulala, oulala, oulala, oulala. Il y a de l'orage dans le oulala, oulala, oulala, oulala. Il y a de l'orage. Oulala, les fermiers, oulala, sont méchants. C'est qu'à la ville, oulala, même les truands, oulala, sont en civil. Si dans les villes, oulala, les mineurs, oulala, font grise mine. C'est qu'en enfer, oulala, pour eux y'a pas, oulala, de quoi s'en faire. Il y a de l'orage dans le oulala, oulala, oulala, oulala. Il y a de l'orage dans le oulala. Il y a de l'orage dans le oulala, oulala, oulala, oulala. Il y a de l'orage. Si à l'école, oulala, les gamins sniffent, oulala, des tubes de colle. Dans les bars, oulala, leurs parents sont, oulala, un peu bavards. Si à la messe, oulala, les vieux se croient, oulala, à la kermesse. C'est que dans les balles, oulala, même le batteur, oulala, se tire une balle. Il y a de l'orage dans le oulala, oulala, oulala, oulala. Il y a de l'orage dans le oulala, oulala, oulala, oulala. Il y a de l'orage dans le oulala, oulala, oulala. Il y a de l'orage dans le oulala, oulala, oulala, oulala. Il y a de l'orage dans le oulala, oulala, oulala, oulala. Il y a de l'orage. Commettre mes jours aussi arrogants qu'un lit d'hôpital, comme en une journée inhospitalière. Être fort assez pour se voir et reconnaître faible comme un geste inhospitalier. Je me présente, je suis le nouveau mec de ta copine. Elle est pas tendre, tu sais, quand elle parle de toi. Ta PlayStation, ta caisse, tes vacances au camping. Ta collection de DVD de karaté chinois. Tes trophées de pétanque trônant dans la vitrine. Tes petits arrangements au PMU d'en bas. Elle t'attendait en balançant tes magazines de chasse, de pêche, de cul et de sport de combat. Je n'ai pas de grosse voiture, je ne suis pas monté comme un âne. Mais chaque nuit coincé contre le mur, c'est bien moi qui murmure à l'oreille de ta femme. Je n'ai pas de grosse voiture, je ne suis pas monté comme un âne. Mais chaque nuit coincé contre le mur, c'est bien moi qui murmure à l'oreille de ta femme. Tous les vendredis soirs au milieu du parking, assis sur le capot de ton Opel Astra, se demander lequel a le plus beau jogging, la plus belle banane, le plus beau bandana. Elle finissait en boîte en remuant son string. Toi tu portais ton beau maillot de David Ginola. Elle s'endormait devant un docu sur Chaplin. Toi tu zappais sur le très beau Grand Prix du Canada. Je n'ai pas de grosse voiture, je ne suis pas monté comme un âne. Mais chaque nuit coincé contre le mur, c'est bien moi qui murmure à l'oreille de ta femme. Je n'ai pas de grosse voiture, je ne suis pas monté comme un âne. Mais chaque nuit coincé contre le mur, c'est bien moi qui murmure à l'oreille de ta femme. Je me présente, le nouveau mec de ta copine. Je me présente, le nouveau mec de ta copine. Surtout Clint Eastwood, ce sculpteur norvégien à la galerie d'en bas. Elle te voyait repeindre des tas de figurines, de sous-marins, de guerres et de petits soldats. Elle rêvait de Mozart au calme au fond d'une limousine. Elle se tapait Johnny à fond dans ton Opel Astra. Tu lui parlais de phares, de gens, de compètes, de tuning. Tu lui parlais, mais elle n'écoutait pas. Je n'ai pas de grosse voiture, je ne suis pas monté comme un âne. Mais chaque nuit coincé contre le mur, c'est bien moi qui murmure à l'oreille de ta femme. Je n'ai pas de grosse voiture, je ne suis pas monté comme un âne. Mais chaque nuit coincé contre le mur, c'est bien moi qui murmure à l'oreille de ta femme. Mais chaque nuit coincé contre le mur, c'est bien moi qui murmure à l'oreille de ta femme. Je n'ai pas de grosse voiture, je ne suis pas monté comme un âne. Mais chaque nuit coincé contre le mur, c'est bien moi qui murmure à l'oreille de ta femme. Je n'ai pas de grosse voiture, je ne suis pas monté comme un âne. Mais chaque nuit coincé contre le mur, c'est bien moi qui murmure à l'oreille de ta femme. Je n'ai pas de grosse voiture, je ne suis pas monté comme un âne. Mais chaque nuit coincé contre le mur, c'est bien moi qui murmure à l'oreille de ta femme. As de trèfle, vous venez d'entendre un duo de ce groupe-là. As de trèfle, avec l'accent, vous pouviez présumer qu'il venait de la France. La pièce s'appelait À l'oreille de ta femme. Et juste avant, c'était Oulala, qui nous rappelle à la mémoire, douce mémoire de Ludwig von 88. Je ne sais pas s'il y a un lien. Toujours est-il que As de trèfle, c'est un groupe tourangeau. Qu'est-ce que c'est, tourangeau? C'est des gens qui viennent de la ville de Tours. C'est un groupe qui a été fondé en 96. 60 000 albums vendus, 550 concerts à travers toute la France. Et ils se prennent pas pour de la merde, hein. Disons que ils disent le quatuor a su se faire un nom sur la scène française par le bouche à oreille et une pléiade de concerts ébouriffants qui ont forgé leur réputation. Un violon omniprésent et leur prédilection pour les instruments acoustiques les classent dans la grande famille entre rock et chanson, qui aurait Louise Attaque et les Têtes Raides comme parrain. Mais ce serait occulter d'autres facettes du groupe, comme cet humour grinçant évoquant les regrettés VRP. Ah, intéressant. Dans la lignée de textes bien envoyés, dans la lignée des grands noms de la chanson française. On se prend pas pour de la merde. As de trèfle, voilà. Je ne les connaissais pas. Choix musical de Wartin aujourd'hui. Wartin. Il veut pas que je parle trop de lui. Il veut pas que je mentionne son vrai nom. Bon, ben, qu'est-ce que tu veux? C'est un gars que j'ai rencontré à CKRL, Wartin. Et ce n'est pas fini, vous êtes à l'intérieur d'une émission qui s'appelle Le Cirque Aquatique Magique. D'ailleurs, vous pouvez entendre les clapotis de l'eau. Et les poissons. Et les poulpes. OK. Je suis prêt. Marché droit, été 67. En arrive à un point où il peut se détruire, à ce moment-là, ils auront le feu vert et ils entreront en contact avec l'humanité et ils passeront des plans invisibles au plan matériel, se matérialiseront, seront visibles à l'homme et c'est à ce moment-là que se fera le choc culturel et c'est à ce moment-là que la civilisation humaine sera totalement anéantie. Elle sera anéantie sur le plan psychologique, la science sera totalement détruite et il y aura la reconstruction d'une nouvelle civilisation et d'un nouvel air, mais sur des bases et à l'intérieur de conditions psychiques, vibratoires et psychologiques que nous ne pouvons même pas aujourd'hui nous imaginer. Dans toutes les villes du monde, le quartier le plus immonde, c'est toujours celui de la gare où l'on n'ose pas sortir le soir. Il y a là des gens de passage qui ont comme arme leur bagage, qui dissimulent mal leur stress. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui reste. Je veux parler des putes et des travelots, des camins et des proxos, des arrière-salles dans les bars, et puis du flingue sous le comptoir. Il y a ceux qui courent au boulot, il y a les chiens et leurs clodos. Toi tu n'oses pas mettre le nez dehors, et moi j'en crève tellement j'adore. Il y a toujours de la lumière pour éclairer la misère. Il y a ceux qui meurent et ceux qui se marrent dans le quartier de la gare. Ça s'appelle Guimain ou Termini, gare du Nord ou du Midi. Ça s'appelle gare d'Austerlitz ou bien Waterloo Station. Et pourtant c'est partout pareil, sous la pluie et sous le soleil. Des hommes dorment sous des cartons, pendant que d'autres pensent à leurs poignons. Il y a les poètes et les artistes, les jongleurs pour touristes. Ça sent le rêve et le désespoir, l'illusion et le film noir. Dans toutes les villes du monde, le quartier le plus immonde, c'est toujours celui de la gare où l'on n'ose pas sortir le soir. Il y a toujours de la lumière pour éclairer la misère. Et ceux qui meurent et ceux qui se marrent dans le quartier de la gare. Dans le quartier de la gare, ceux qui meurent et ceux qui se marrent. Dans le quartier de la gare. Oh là là, le retour est toujours un peu brutal. Vous êtes toujours au Cirque Aquatique Magique et vous venez d'entendre un duo. Un doublé, qu'on pourrait dire, du groupe Été 67, un groupe belge cette fois-ci. Le quartier de la gare, qui semblerait être leur plus grand succès. Et Marché droit. Il y avait Richard Glenn qui parlait entre les deux. En fait, c'était pas mais Richard Glenn lui-même, c'était un de ses invités. La civilisation sera anéantie. Wa-ha-ha! Le groupe Été 67, ça a été formé en 98. Et en 2004, le groupe prend son envol à cause de ses prestations scéniques. Et c'est vraiment le EP qui est sorti en 2005 qui contient la pièce que vous venez d'entendre, Le quartier de la gare, qui les lance. Là. C'est vraiment la pièce qui a lancé le groupe. Apparemment que ça aurait été largement diffusé dans les radios belges, françaises, suisses, sénégalaises et québécoises. J'ai jamais entendu au Québec, mais bon, moi j'écoute juste la radio communautaire, alors qui sait. Et en spectacle, ils reprennent des chansons comme I'm Waiting for the Man, Venus in Furs de Velvet Underground, Simple Twist of Fate de Bob Dylan, mais aussi, on s'en échappe pas, Georges Brassens avec Mourir pour des idées. Brassens, c'est vraiment un immortel de la chanson. Quand tu fais de la chanson française, il faut absolument que Brassens soit pas trop loin dans le décor. Et Été 67 se produit même dans les appartements. Donc si vous avez un petit 200, 300, 400 piastres à dépenser pour l'anniversaire de votre ami, pourquoi ne pas les inviter à la maison? Il faut pour ça, évidemment, habiter en France, à moins que vous leur payiez le billet d'avion. Aujourd'hui, sélection musicale de Wartin, un artiste bien de chez nous qui devrait vous surprendre avec un album dans les prochains mois. Ça va être à surveiller. Et là, on va se diriger maintenant vers le Québec. On va aller écouter du Vulgaire Machin, qui est deux pièces de leur dernier album. La pièce s'appelle « Je m'excuse, je t'aime ». Vous êtes accompagné de François Gécouillard, c'est Coyote 88.3, sur votre cadran, à la radio de la bonne humeur. C'est le Cirque Aquatique Magique! Ah! lâcher sans peine et partir jusqu'à nier que je saigne. J'avais pas la la la. Vous êtes toujours à l'intérieur du Cirque Aquatique Magique en votre compagnie François Jacouillard à la radio de la bonne humeur tous les jeudis 11h du soir. Et on vient d'entendre un doublé, ah c'est ça le bon terme, des vulgaires machins. Oh, parfois c'est abrégé. VM. Oh, c'est intéressant ça, d'en sortir ça dans une soirée mondaine. Non, je n'écoute pas du vulgaire machin, j'écoute du VM. Un groupe punk rock. Et ce groupe-là a commencé, les débuts de ce groupe-là, c'est en 90, à l'école secondaire de Granby, dans laquelle le chanteur Guillaume et Marie-Ève, âgés de 17 ans, ont décidé de créer le groupe Vulgaire Machin. Vulgaire Machin étant un nom humoristique. Et probablement que s'il aurait su qu'il chanterait des chansons toujours un peu acides, anticapitalistes, altermondialistes, ben il aurait peut-être changé de nom. Il aurait peut-être pas pris ce nom-là finalement. Ce groupe dénonce la société de consommation, le capitalisme et le monde qui les entoure. Et les deux pièces que vous avez entendues étaient tirées de leur dernier album qui est sorti cette année, en mars, Requiem pour les sourds. Est-ce que vous m'entendez? D'ailleurs, à ce sujet-là, samedi prochain, il y a le lancement d'un grand mouvement de droite dans un hôtel à Québec, le Réseau Liberté Québec. Il va y avoir des grands, grands, grands penseurs de la droite québécoise et même canadienne. Maxime Bernier, député de la Beauce. Éric Duhaime, un grand tarlat aussi. Qui d'autre? Corey Tenneke, qui voulait un Fox News du Nord. Il trouvait qu'on n'était pas assez mal informé comme ça. Il fallait en plus que... qu'on ait une autre station de télévision encore plus à droite. Il faut comprendre que ces gens-là se trouvent peu représentés dans l'espace médiatique, les pauvres. Pourtant, c'est drôle, j'aurais cru que c'était eux autres qui possédaient tous les médias commerciaux, mais bon, c'est pas leur opinion à eux. Samedi prochain, on va aller voir ce que ça donne. Ça va être bien intéressant de voir ça. Oh! Et qu'est-ce qu'on a entendu aussi entre les deux pièces? Faut pas l'oublier, lui. Carl Carmoni, champion de mini-pot. Eh oui, toujours lui. On l'a battu pour la fin? Je pense que tu arrêtes justement de s'exprimer au sujet du RLQ. Ça se pourrait! Ah! Oh, non, non, non! Pas là! Ouais, ouais, c'est mon opinion, moi aussi. Non! Non. C'est pas vrai! Ça n'a pas lieu d'être, ça, le RLQ, mon cher Carmoni. T'as bien raison. Maxime Bernier, c'est vraiment de la chenoute. Ça se pourrait! Oh, ah! Non, non, non, non! Non, non, non, pas là! C'est vrai, c'est déprimant. Non! C'est pas vrai! Bon, on est dans une émission ici qui s'appelle Le Cirque Aquatique Magique. Cette émission est extrêmement sérieuse et aussi extrêmement bien préparée. Aujourd'hui, sélection musicale de Wartin. On va écouter maintenant deux pièces de Jérôme Minière. La première pièce s'appelle L'indifférence. Oh! Né dans l'opulence, quelque part en France, il vécut son enfance. Thank you.

mais il s'est installé à Montréal en 95 pour une raison qui demeure obscure. Et il publie des albums sous le pseudonyme Derry Copter. Ça lui arrive de temps en temps. C'est une sorte d'alter ego fictif. Helicopter était un réfugié de l'île de l'Arctique, Lanka, peuplée par les Vikings errants et Basques zélés Inuits, qui avaient dissous dû au réchauffement climatique. Là, je lis le texte de Wikipédia. Copter avait déménagé dans les entrailles du bâtiment de l'ancien Eaton sur Sainte-Catherine, et Minière a été chargé de mettre ses compositions au monde. Eh bien. C'est le fun, la folie comme ça. La folie! Il reste plus que deux pièces du bloc. Sélection musicale de Wartin, notre ami à tous. J'ai décidé que c'était votre ami. Vous n'avez donc pas le choix. On va écouter maintenant du 16, juste avant pour vous dire que vous êtes en compagnie aimable et chaleureuse de François Gécouillard. Si vous voulez m'appeler, 529-9026, pourquoi pas? Faites-vous plaisir. Chaque émission est disponible sur jeunefou.blogspot.com. Et bientôt, là, après les deux prochaines pièces, je vous réserve quand même des surprises. on va peut-être faire un mix de xylophone, de clavier hawaïen avec un cours pour arrêter de fumer. Je vous dis ça comme ça, mettez ça dans votre pipe. Peut-être qu'on va faire ça après le bloc qui s'en vient. Sinon, 16 et pilule. Dans la mer, je rêve de partir dans des pays où il fait chaud à l'autre bout du monde. Loin de ce boulot qui me tue, qui creuse ma tombe. Je me lève et je prends des pilules pour dormir. Les jours se ressemblent et putain que c'est triste à mourir. Quand on n'a rien pour soi que le chèque de fin de mois. La télé, le canapé, le crédit à payer. Je vais les rues, je vais les lieux où on ne m'attend pas. Ce que je croise au fond des yeux, non, ne me voit pas. Je parle à des gens comme moi qui n'ont l'air de rien. Des esclaves. Entre quatre murs, je suis un homme moderne. Je me cogne la tête et j'essaie de m'enfuir. Mais les mirrors d'orchestre, les mirrors d'orchestre, je sais qu'ils me regardent en audio de satellite. Dans mes rêves d'Amérique, moi je tente de fuir. Le lendemain qui m'attend, le couteau dans le dos. Je sais bien au fond de moi même qu'ils veulent me faire la peau. Trois jours dans le métro, moi je suis le troupeau. Direction l'abattoir, cap ou patte sur le dos. Ils me mettront comme ils ont mis mes parents. Actionnaire nage avec les dauphins. Je me lève et je prends des pilules pour dormir. Je prends le métro dans la main. Je rêve de partir dans des pays où il fait chaud à l'autre bout du monde. Moi de ce boulot qui me tue, qui creuse ma tombe. Je me lève et je prends des pilules.

râle aux chiottes et des coups de pioche dans la télé. Faut mettre les menottes à chaque présentateur du JT. J'accuse. Au mégaphone dans l'assemblée. J'accuse. Au mégaphone dans l'assemblée. Faut du gasoil. Damien 16, vous l'avez entendu au Cirque Aquatique Magique. Un doublé, la pièce J'accuse. Et Pilule, Damien 16, vous l'avez entendu, chanteur français. Son premier single, c'était Jeune et con. Vous vous en souvenez sûrement, ça roulait beaucoup sur les radios commerciales. Parce qu'on est jeune et con, parce qu'ils sont vieux et fous, parce que les hommes crèvent sur les ponts, la la la la. Bon, ok, c'est lui ça. Et c'est quand même un gars sensible politiquement. Il y a, à chaque fois qu'il y a une élection présidentielle, il sort une chanson gratuite. Par exemple, en 2002, lorsque, vous vous souvenez... Le Pen passe au premier tour. Ben, il a sorti une pièce qui a donné gratuitement sur Internet qui s'appelait Fils de France. Et aussi en 2007, lors des présidentielles, il a sorti une pièce qui s'appelait Jeunesse, lève-toi. Et la pièce que vous avez entendue, la dernière pièce, c'était J'accuse, qui fait écho au célèbre article d'Émile Zola. Zola qui était un journaliste français. Et son article, c'est sorti pendant l'affaire Dreyfus. Les gens qui connaissent un peu l'histoire de la France, très important, c'est l'histoire de l'affaire des Dreyfus. Mais toujours est-il que M. Damien Saez, l'affiche de son album m'a fait réagir. Parce que je vous le décris sommairement, c'est une femme nue qui est à l'intérieur d'un panier d'épicerie. Donc, c'est un peu choquant, mais peut-être que vous avez compris qu'il y a comme une critique de la consommation du corps de la femme. Bon, parce que ça a créé la controverse. L'affiche a été interdite à certains endroits. Donc, M. Saez s'est exprimé sur le sujet. Il a dit... Cette photo choque car elle reflète une idée que les gens refusent de regarder en face. La société d'aujourd'hui veut que l'individu, et particulièrement la femme, soit réduit à un bout de viande dans un cadet. Tout individu qui naît sur Terre est aujourd'hui pris en otage par la société de consommation. On ne peut accoucher aujourd'hui que d'un objet de consommation. Voilà ce que je dénonce. Cette image fait miroir, donc elle fait mal. Qui a envie de se regarder dans la glace quand ça fait mal? Pourtant, cela pousse à la réflexion. Ben nous aussi, on réfléchit, Damien. Nous aussi, on est poussé à la réflexion, là. Aussi, un peu grâce au Cirque aquatique magique et à la présence subversive de François Gécouillard. Ah là là là là. Hey, vous vous êtes rendu jusque-là, vous êtes pas mal courageux. Bravo d'avoir subi comme ça les attaques auditives de la voix aiguë de François Gécouillard. Et puisque vous avez toffé jusqu'au bout, vous allez avoir droit à un bonbon. Allons-y. Maestro! En mono, messieurs, dames, en mono. Je me sens bien de l'avoir décidé. Capable d'y arriver. Un disque pour arrêter de fumer? Pourquoi pas? Je suis capable d'y arriver. Vous êtes capable, vous aussi. Je suis un non-fumeur. Oh. Ok, oui! Je suis une non-fumeuse heureuse. Il faut répéter, c'est ça le concept. J'arrête de fumer. Allez-y à la maison. Allez-y vous aussi. Je réalise mon rêve. C'est-tu comme ça pendant une demi-heure? Je crois que oui. Il y a longtemps que je le dis. Détachez tout vêtement trop serré au niveau de la taille, du thorax et du cou. Oh, on se dévêtit. Maintenant que vous voilà bien à votre aise, contractez tout d'abord vos muscles en les étirant au maximum, comme vous le faites certains matins en vous éveillant de bonne humeur quand vous êtes pressé. Étirez bien les muscles de vos bras. Votre thorax. Puis, relâchez la tension et réinstallez-vous en position de l'auto. Passons maintenant aux exercices respiratoires. Prenez tout d'abord une respiration profonde en gonflant d'abord l'abdomen, puis en dilatant au maximum votre thorax. C'était le fun, ça? Eh bien, je crois que c'est tout pour le Cirque aquatique magique ce soir. C'était François Gécouillard avec vous qui vous dit à la semaine prochaine! Jeunefou.blogspot.com pour réécouter l'émission. N'hésitez pas, c'est gratuit.